Rose, par André Thuriet. Chapitre 1er. Allons, dit M. Fèvre, en relevant ses lunettes. J'aurais beau me hâter, mon cher Laurent, je ne pourrai jamais finir avant votre départ le livre que vous m'avez prêté. C'est dommage, il m'intéressait. Il posa le livre sur la table, avec un geste de regret. Qu'à cela ne tienne, répondit Laurent, qui tisonnait au coin de la cheminée. Gardez-le, M. Fèvre. Vous me ferez plaisir, et vous le lirez ainsi sans vous presser. « Merci, » reprit le bonhomme, en lui tendant la main. « Je n'osais pas vous le demander. »« Nous le lirons, Rose et moi, pendant l'éveillé, et nous penserons mieux à vous, n'est-ce pas, Rosette ?» Rose releva la tête qu'elle tenait penchée vers le foyer. On eût dit qu'elle s'éveillait en sursaut. Ses yeux étaient gonflés, et la manière dont les prunelles miroitaient à la lumière, on devinait qu'elles étaient humides. M. Fèvre n'y prit pas garde. « Ce livre me plaît, » continua-t-il en pesant ses mots. « Ce n'est pas que tout y soit alloué. Par exemple, cette jeune fille qui court la nuit à travers champs comme une aventurière et que l'auteur présente néanmoins comme une honnête femme. Est-ce logique, je vous le demande? Néanmoins, le roman est d'une lecture attachante. » Personne ne répondait, mais M. Fèvre n'en allait pas moins son train, sans s'apercevoir qu'il faisait à lui seul tous les frais de la conversation. « Ainsi, vous partez demain ?» poursuivit-il en s'adressant à Laurent. « Oui, » répondit le jeune homme, « demain à midi. »« Eh bien, encore que je le regrette, vous avez raison de jeter le froc aux orties. J'en ferai autant si, comme à vous, il me tombe du ciel un héritage. Quel profit y a-t-il maintenant à être employé de l'État? Mal payé, peu considéré, on passe les plus beaux jours de sa vie à moisir dans un trou de village pareil à celui-ci au milieu de gens grossiers qui vous dupent. Ah, quand j'aurai le temps voulu pour la retraite, je planterai là la perception de Rochetaillée, et je remercierai le gouvernement. Je me retirerai à la ville, je louerai un bout de jardin, et je vivrai heureux. D'ici là, ma femme sera rétablie. Hé hé, nous ferons de petits voyages. Nous irons vous voir dans les Vosges. J'y compte bien, dit Laurent d'un air contraint. Rose mit la main devant ses yeux, comme pour les protéger contre l'ardeur du brasier, mais ce fut en vain, les larmes glissaient à travers ses doigts. Comment va Madame Fèvre ce soir ? Demanda Laurent pour déguiser son embarras. Henriette va mieux, beaucoup mieux. Encore quelques jours, elle sera où la côte. La pauvre a eu du mal à en revenir, mais la voilà sauvée maintenant. Viennent les premiers soleils d'avril, et elle pourra sortir. Nous la conduirons, Rose et moi, jusqu'à la forge. Il y a là un coin abrité du vent et exposé au midi où les violettes fleurissent toute l'année. C'est un endroit pour une convalescente, n'est-ce pas, Rosette ? Il y eut un long silence. La pièce où il se trouvait servait à la fois de cuisine et de salle à manger, et était à peine éclairée par une lampe avare de lumière. La lune, qui se levait au-dessus des toits, en face de la fenêtre, découpait sur le plancher des losanges bleuâtres. De chaque côté de la cheminée, Rose et Laurent étaient assis. M. Fèvre se tenait entre eux, caressant avec précaution un chat gris qui avait sauté sur ses genoux. La rougeur intermittente du brasier illuminait tantôt les yeux étincelants de Rose, tantôt la pâle figure de Laurent. M. Fèvre recevait en plein la clarté de la lampe. On pouvait étudier à loisir sa physionomie placide, ses petits yeux ronds sans éclat, son front étroit et dégarni, son menton glabre et fuyant, son nez infiniment trop retroussé, entraînant à sa suite la lèvre supérieure. C'était une figure bonasse et candide, distraite et inintelligente. Il étendait complaisamment vers les chenets ses maigres tibias, recouverts d'un pantalon de lasting luisant. D'une main, il lustrait le dos de son chat, de l'autre, il palpait sa tabatière. Rose se leva. Elle pouvait avoir 22 ou 23 ans. C'était une belle fille, d'une beauté un peu trop robuste, peut-être au goût des gens délicats, mais riche de santé et en pleine sève de jeunesse. Sa poitrine, bien développée, était voluptueusement modelée. Ses bras semblaient sculptés dans du marbre. Ses épais cheveux bruns se tordaient sur la nuque en un lourd chignon. Elle allait et venait, s'arrêtant devant chaque meuble, nerveuse, inquiète et ne pouvant tenir en place. « Rose, » dit M. Fèvre, « as-tu songé au lait pour le déjeuner de ta sœur ?»« Oui, Robert, je suis allé en acheter à l'auberge de Rouget. »« Bien, aie soin que ton chat n'y mette point le nez. » »« À propos de Rouget, » continua le bonhomme en se tournant vers Laurent, « il faut que je vous conte une histoire. Vous savez que la chasse s'est fermée depuis 8 jours. Hier matin, je flânais dans la cuisine de l'auberge. Tout à coup, j'aperçois un lièvre enveloppé dans une serviette. « Bon, me dis-je, voilà ce scélérat de Rouget qui s'est mis en contravention. je vais lui jouer un bon tour. Je prends le lièvre, je le cache dans un placard de la pièce voisine et je pars. Je reviens vers midi sans avoir l'air de rien. Je vois mon Rouget tout penaud. Qu'avez-vous donc, Rouget ? Ma foi, monsieur Fèvre, je suis furieux. J'avais acheté ce matin un lièvre à un braconnier. Je l'avais mis dans la cuisine et je ne le retrouve plus. Ah, votre lièvre, fis-je. Ce matin, comme j'étais chez vous, le brigadier de gendarmerie est entré. Il l'a aperçu rouler dans une serviette et l'a emporté. Voilà Rouget pâle comme un linge prêt à s'évanouir. Ah, monsieur Fèvre, je suis un homme perdu. Quand je me fus bien amusé de sa peur, j'allais doucement tirer le lièvre de sa cachette et je le lui montrai. Dieu me pardonne, il m'a presque mis à la porte. Tout de même, c'était un bon tour, n'est-ce pas ? Pendant que l'infatigable bavard développait longuement son histoire, Laurent frémissait d'impatience. Il essaya cependant de sourire. Rose, le front appuyé contre la vitre, regardait dans la rue sans rien voir. Au dehors, le vent sifflait et pleurait. Un mauvais temps, remarqua M. Fèvre. Espérons qu'il s'embellira demain pour votre départ. Allons, je vous laisse avec Rose. Je vais tenir un moment compagnie à ma bonne Henriette, qui s'ennuie là-bas dans son lit. Bonne nuit, jeunes gens. Je ne vous dis pas adieu, Laurent. Nous nous reverrons demain. Il partit en chantonnant. Le jeune homme poussa un long soupir de soulagement. Au même instant, on entendit comme un bruit d'eau tombant à torrent sur le chemin. « Est-ce qu'il pleut ?» demanda brusquement Laurent. « Non, » répondit Rose, « c'est Paul, le meunier, qui lève les vannes de son moulin. »« Êtes-vous prête, Rose ? Voici l'heure. »« Ah !» s'écria sourdement la jeune fille en se tournant les bras. « Partir ? Partir avec vous ? Mais je suis une fille perdue si je fais cela. » Abandonner la maison de mon beau-frère et laisser ma sœur malade. Songez-y, Laurent, c'est un crime. Je la tue. Ah, reprit-elle en sanglotant, conseillez-moi. Vous qui êtes froid et sérieux, dites-moi un mot qui me rassure. Je n'en puis plus, je n'ai plus ma tête, je tremble la fièvre. Tiens, sans mes joues, elle brûle. Elle avait pris les mains du jeune homme et les appuyait contre sa figure. Laurent, perplexe et impatient, se mordait les lèvres et fronçait le sourcil. Il avait 25 ans. Il croyait aimer Rose et il se savait aimé. De plus, il était dans le plein épanouissement d'une passion que la complète possession de la personne désirée n'avait pas encore attiédie. Il se sentait libre. Il venait de faire un héritage qui lui assurait une position indépendante. Il était tout fier de voir son amour prendre figure et tourner au romanesque. Un enlèvement, un voyage rapide en tête-à-tête avec la première femme dont la passion eût flatté sa vanité, puis une vie voluptueuse à deux dans un coin verdoyant d'ébauche, toute cette perspective enivrait son imagination, lui échauffait le sang et étouffait le peu de raison qui parlait encore en lui. Pourtant, il voulait mettre sa conscience en repos et essayer de parler sagesse, sûr d'avance de n'être pas écouté. « Oui, murmura-t-il d'un air froid, il faut encore réfléchir, ma pauvre enfant. Peut-être serait-il plus sage d'en rester là et de nous dire adieu. » « Adieu !» s'écria Rose tout en pleurs. « Mais le puis-je maintenant ? Est-ce que tu ne fais pas partie de ma vie ? Il n'y a pas un objet ici qui ne me parle de toi et qui ne me fasse sentir combien je suis à toi. D'avoir eu 3 mois près de mon cœur et puis plus rien. Quand le soir, j'entendrai la porte s'ouvrir pour un autre que toi, quand je verrai ta chaise vide, ce sera autant de coups de poignard. Je prendrai tout le monde en haine ici, mon beau-frère, ma sœur. Oh, malheureuse !» Les sanglots redoublèrent bruyants. « Pas si fort, » dit Laurent, « ils vont t'entendre. » Il lui prit les mains et l'assit sur ses genoux. Elle s'y blottit, frissonnante. « Emmène-moi, mon chéri, » reprit-elle en le mouillant de ses larmes. « Ma vie ne peut plus être que là où elle la tienne. Emmène-moi. Qu'est-ce que ça me fait, le monde ? Tu es le monde pour moi, tu es toute ma famille. » Laurent sécha ses pleurs avec des baisers, puis se levant. « Partons. » murmura-t-il, la voiture nous attend près de la chaussée de l'étang. J'ai pris un manteau et des couvertures pour toi, ne t'inquiète de rien. Allons, chérie, vite, vite. Elle était toute pâle. Seigneur, dit-elle, ce que je fais est mal. Parle premier, je te suis. Elle parcourt du regard la petite chambre. Les images des saints collés au mur, le buis pendu au bénitier, le chat assoupi près des cendres. Puis elle posa près de la lampe un papier plié en forme de lettre. Et ouvrant la porte de la rue, elle s'enfuit sur la route ténébreuse où Laurent la précédait. Madame Fèvre s'était assoupie. son mari lisait près d'elle. Le roulement d'une voiture sur la route réveilla la convalescente. « Où donc est Rose ?» demanda-t-elle. « Je l'ai laissée de l'autre côté avec Laurent. Mais elle devrait être ici maintenant. J'ai entendu notre jeune ami partir. Il a eu raison de nous quitter de bonne heure, car il doit se lever demain de bon matin. Je vais chercher ta sœur. » Le bonhomme s'achemina en tâtonnant vers la cuisine. Le feu s'était éteint. La lampe se mourait. Un grillon poussait son cri monotone derrière l'attaque. « Où donc es-tu, Rosette ?» cria M. Fèvre. « Quelle étourdie ! Elle aurait été se coucher sans éteindre la lampe et sans embrasser sa sœur. » Et comme sa main s'étendait vers la lampe, elle rencontra un papier plié. « Qu'est-ce que cela ? » fit-il. Il rajusta ses lunettes, déplia le billet et lut en balbutiant. « Robert, pardonnez-moi, j'aime Laurent et je ne peux pas le laisser partir seul. Tâchez qu'Henriette n'en souffre pas trop. Adieu, adieu à vous deux. » « Ah, bonté divine !» s'écria le pauvre homme. « Rose partie ? Oh, la malheureuse !»« Qu'y a-t-il, Robert ?» Henriette était là, debout derrière lui, pâle dans sa longue robe de nuit. « Elle est partie !» murmura le bonhomme pétrifié. « Partie, Rose ? Avec Laurent ?» L'austère figure d'Henriette s'alluma d'une rougeur d'indignation. « La misérable ! » dit-elle. Il s'affaissa lourdement sur les carreaux de l'âtre. Chapitre 2e. 8 heures du soir viennent de sonner à la petite église de Rochetaillé. La neige est tombée tout le jour et le chemin se dessine blafard entre les façades noires. Dans la rue, tout est silencieux et obscur, sauf la forge du maréchal Ferrand, où les coups de marteau sur l'enclume font jaillir des étincelles, et l'auberge où des buveurs trinquent en chantant. La maison du vieux percepteur est close et muette. La neige en obstrue le seuil, on dirait qu'elle est inhabitée. Pourtant, un léger filet lumineux passe à travers les volets de la fenêtre. Dans la cuisine, M. Fèvre est assis au coin de la cheminée, les coudes sur ses genoux, le front dans les mains. Il regarde stupidement le brasier. Ses cheveux sont tout blancs. Il est vêtu de noir. Rose et Henriette, qui animaient la maison, sont partis. De toute la famille est restée seule et comme dépaysée. Tout en brûlant ses yeux à la chaleur du brasier, il cherche à rassembler dans sa mémoire affaiblie les souvenirs du bonheur disparu, tandis que le grillon, fidèle compagnon de son foyer, se chauffe en chantant derrière la platine. Le vieillard rêve au temps passé, et dans son rêve, il revoit les joyeux jours de ses noces. C'était aussi par un temps de neige, mais on ne songeait guère au froid. La pauvre Henriette avait une robe blanche et dans ses cheveux une branche de romarin, la seule fleur qu'on eût pu trouver dans le jardin. On l'a ensevelie dans sa robe de noces, et M. Fèvre a planté du romarin sur la tombe qu'il visite chaque jour. Il relève soudain la tête. Il lui semble que la porte de la rue vient de crier sur ses gonds. Il entend des pas dans le couloir. Il va ouvrir. Et le vent du dehors pousse à ses pieds avec un tourbillon de neige une femme frissonnante de froid et de peur. « Rose ?» s'écrie le bonhomme en écarquillant les yeux. « Oui, c'est Rose, mais pâlie, amaigrie, les cheveux mouillés, la robe bruisselante. « Vous ? Toi, malheureux enfant ?» balbutie le pauvre homme en rajustant ses lunettes. « Dieu du ciel, est-ce possible ?» Elle reste agenouillée. Il saisit ses mains glacées et les tâte pour s'assurer que ce n'est pas la suite de son rêve. Puis il la fait asseoir et referme la porte. Il reste muet, contemplant avec stupeur les traces que le chagrin a laissées sur leur figure à tous deux. « Toi, ici !» répète enfin M. Fèvre d'un air sombre. Il jette une brassée de menu bois sur le brasier où danse tout à coup une claire flamme. « Oui, » murmure-t-elle d'une voix à peine distincte, « c'est moi. Ne me chassez pas tout de suite. Je sais que je suis une misérable fille, mais je n'ai pu résister au désir de revoir la maison. Voilà 2 heures que je fais le tour du village sans oser entrer. « Pauvre enfant !» dit le vieillard d'un ton moins âpre. « Allons, chauffe-toi !» Il la débarrasse de son châle mouillé. « Et lui ? » demande-t-il timidement. Le visage de Rose se contracte et des pleurs brillent dans ses yeux. « Il m'a abandonné !» répond-elle entre 2 sanglots. « Le lâche !» grommelle M. Fèvre. « Où est Henriette ?» répond Rose d'une voix tremblante. Le vieillard, sans rien dire, montre son vêtement de deuil. « Morte !»« Mon Dieu, vous ne m'avez pas assez puni !» « On l'a enterré là-haut, » continue M. Fèvre, dans le nouveau cimetière au-dessus du bois de sapin. « Je vais y passer mes après-midi. Est-il une plus misérable créature que moi ? dit Rose d'une voix rauque, en se levant pour partir. Il n'y a plus de pardon pour moi, ni sur la terre, ni là-haut. Tu te trompes. Il y a un pardon pour toi ici, réplique le bonhomme, en la prenant dans ses bras. Reste avec moi, pauvre mignonne, tu es glacée. Il la met sur ses genoux comme une enfant, et lui réchauffe les mains en les tendant vers le foyer. Oh ! S'écrie Rose amèrement, il faut que je m'en aille. Je serai votre honte. Tu seras ma consolation, reprend le vieillard, et il ajoute avec un accent d'égoïsme sublime. Tu sais ce que c'est que la douleur, toi, et tu me comprendras. Reste, nous parlerons d'Henriette. C'était Rose par André Thuriet.